France Inter, 17h07, à 18h, pardon, le journal avec Florence Paracuelos. Et tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Vanhoenacker. Merci Dominique Delaroy. On vous retrouve demain et en attendant, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut Charline, ah bah ça me fait plaisir de te voir, ah je suis content. Ah oui, non, il est comme ça depuis ce matin. Ah bon, mais pourquoi? Moi je suis heureux, la vie est belle, c'est bah cool. Oui, déjà de savoir que t'es vivante. Oui. Ah bah, pourquoi? Bah, d'ailleurs, est-ce que vraiment t'es vivante? Bah oui, ça je te le avec l'affaire Bouygues, on sait plus. Ah, d'accord. Bah oui, c'est quand même triste cette histoire. Hein. Bah 62 ans, il avait... c'est quand même mais jeune, il est pas mort. Non, bah j'ai reçu la nécro, moi, sur ma boîte mail. Ah, il est mort. Non, il y a eu un démenti de... Bah oui, mais enfin, on l'a pas vu depuis, Martin Bouygues. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, il y a certains qui disent qu'ils l'ont eu au téléphone, mais je suis désolé. Toi, tu doutes, quel conspirationniste. Mais non, je recoupe les sources. Je vois qu'on... On arrête de parler de décès, on est positif, la vie est belle. Oh, mais, voilà. Mais qu'est-ce que t'as, tout fleur bleue comme mais ça. Je sais pas, c'est anxiogène de parler de la mort. On pourrait parler, je sais pas moi, de petits chatons. Il va pas bien lui, hein. Oh là. Mais on ne parle pas de mort, on parle de dysfonctionnement journalistique. C'est lourd, dysfonctionnement journalistique. Allez, est-ce qu'on préférerait pas parler de l'amour en littérature? Non, mais ça c'est pour Clara. Ouais, ça. Ouais. D'ailleurs, c'est son retour aujourd'hui là. Ouais, je sais, je sais. Ah, mais c'est pour ça qu'il est comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Si, c'est ça. Voilà, alors c'est parce que je prends la vie du bon côté qu'on me soupçonne de dragouiller ma collègue. Non. Ça non, suffit. Il est mignon, tout. Il est rouge. C'est, bon, c'est, si c'est comme ça, je m'en vais, je reviens plus. Ah ouais, c'est ça. Bah, si dans 15 minutes t'es pas revenu, moi j'annonce ton décès à la rédaction. Non. En plus, ils ont pas préparé la nécro, non. Non, mais on s'en fiche. On dira. Et on apprend à l'instant la disparition d'Alex Vizorek, l'amant jamais reconnu officiellement par Clara Dupont-Moretti. Non, mais attendez, Martin Bouygues, il est mort ou il est pas mort? Mais non, il est pas mort. Bon, bah ça va, je vais aller payer ma facture Bouygues Télécom alors. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Et voici les trois informations qui vont finir en tranche jusqu'à 18h. Nicolas Sarkozy a trouvé une formule choc pour exister médiatiquement, le FNPS. Ah, et puis non, en fait, c'est une vieille formule déjà utilisée par Jean-François Copé. J'ai réfléchi beaucoup plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer. Libé a fait une plongée dans l'école de programmation informatique fondée par Xavier Niel, le patron de Free. C'est une alternative à l'éducation nationale et elle est ouverte à tous, donc à la mixité. Je veux que tu entres à l'académie. L'école accepte tout le monde sans distinction. Tout le monde, tu entends ? Même toi. Il a fri, il a tout compris. C'est le quart d'heure de gloire des voleurs, avoir sa photo affichée dans le supermarché de ses méfaits. Oui, dans un carrefour parisien, il y a un mur des voleurs. T'es chier, on se croirait dans l'océan 11 avec George Clooney et Al Pacino. C'est Andy Garcia par le Pacino. Et pour faire n'importe quoi avec l'information, vous pouvez compter sur mon binôme, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, et vous savez qu'elle est revenue. Aujourd'hui, autour de la table, à 17h20, l'homme qui, quand il se lève le matin, vers 14h, allume sa radio et prend un journal en même temps. Et comme il n'est pas bien réveillé, il mélange les deux et vient ensuite nous proposer l'actualisique. C'est Thomas VDB. C'est exactement c'est comme ça que ça se passe. Je connais votre méthode de travail, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler d'un sujet un peu étonnant. Vraiment, je vois que déjà vous êtes étonné en me regardant. Non, c'est parce qu'il y a le membre d'un groupe canadien qui s'appelle Arcade Fire qui a décidé d'écrire des chansons sur l'actualité. Et j'aime pas trop me faire piquer mes idées. Voilà, donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. À 17h30, celui qui se lève tôt pour arpenter le monde et revenir avec des avis passionnants. Malheureusement, il ne diffuse que les avis des moins pertinents qu'il a pu recueillir. Et c'est pour ça qu'on le paye, c'est Guillaume Meurice. C'est vrai. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors je me suis rendu ce matin très tôt au Mondial de la Beauté pour interroger des professionnels du secteur. Qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? C'est moi. Voilà. C'était pas le Mondial de la Modestie donc. Et enfin, 17h40. Paul Verlaine a dit, elle ne savait pas que l'enfer, c'était l'absence. Heureusement, elle est de retour. C'est Clara Dupont-Mono. Paul Verlaine, vous aimez la haute couture, Alex? Oui, j'ai tenté. Je me suis dit que ça vous plairait. Ça va bien, vous Alex. Vous passez de bonnes vacances? Très bonnes, je vous remercie. Vous avez bien bossé la chronique de rentrée. Voilà, puis j'ai reçu toutes vos fleurs, je vous remercie. C'est cadeau. De alors, quoi on parlera? On va parler explication de texte de nos invités ici présents. On va savoir qui c'est. Nous sommes sur les réseaux asociaux, réagissez sur Twitter, hashtag annule tout et devenez notre ami imaginaire sur Facebook. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République et aujourd'hui vous êtes deux, car vous faites partie d'un collectif. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous, votre collectif est né sous Sarkozy. c'est de bon augure. Vos premiers titres paraissent en 2013 quand Carla Bruni choisit de sortir un album le 1er avril. Vous publiez votre premier album Vieux Frères et vous remplissez plus de 20 fois le Bataclan en 2014 quand Johnny Hallyday reçoit la victoire de la chanson de l'année. Vous avez bien fait de pas y aller au Vecteur de la musique. Et donc vous êtes, je vous laisse le dire, le collectif Stupéflip. Fauve et stupéfait. Il y a un schisme. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Fauve, vous êtes deux aujourd'hui, Fauve 1, Fauve 2. On peut vous appeler comme on veut, Raymond, Jean-Jacques, Michel. Jean Fifou. Dites-moi Jean Fifou. On va tous opter pour Jean Fifou, ça c'est sûr. Jean Fifou et Bécassine. Votre collectif Fauve est né sous Sarkozy et puis les premiers titres paraissent quand Carla Bruni choisit de sortir un album. Vous êtes vraiment sous les auspices sarkoziennes. Hein, J'ai pas compris la question. Il y a une concomitance des temps entre votre carrière et... Oui, évidemment. Et la montée du projet Fauve, ça correspond avec le début de la crise et tout, donc il y a eu dehors un truc, ouais. C'est ça. Et c'était quoi exactement le projet Fauve, quand vous dites la montée du projet Fauve? Comment vous le définiriez, ce projet? C'est une question, en fait. Ouais, c'est bizarre, votre truc, d'un coup, c'est hyper, hyper sérieux, après hyper pas c'est sérieux. C'est l'ambiguïté de cette émission. Ouais, c'est ça. Le projet, c'est de créer un... Mais là, on écoute Jean-Philippe. Mais pour ceux qui ne connaissent pas. Fauve, c'est un projet, on est plusieurs amis d'enfance, on travaillait, on avait des jobs un peu chiants, assez banals, et on était assez malheureux dans cette routine, on a voulu se créer un espace d'expression où on pouvait vider un peu notre sac, avoir une sorte d'exutoire. Alors, vous êtes donc un collectif dans une période pourtant ultra individualiste. Vous n'avez pas de visage parce que vous ne vous montrez pas en photo, en vidéo, etc. Et c'est parce que... Et parce que vous êtes laid, je veux le dire. C'est la raison principale. Bah oui. Là, j'infirme parce que... Ah pardon. Raymond et Jean-Jacques, ils sont pas mal. Il y a Michel qui est bien aussi. Et c'est pour que rien ne vienne influencer la perception qu'on a de votre travail. À la base, c'était par pudeur, hein, vraiment. Enfin, c'était pas du tout une espèce de concept ou... On parlait des Daft Punk, là, hors antenne. Et là, il y a un concept, il y a quelque chose de ludique même. Nous, ça a toujours été comme ça, avant même que le premier morceau, la première vidéo soit publiée. On était dans notre piole, comme n'importe quel groupe de copains. C'est pas une posture, donc c'est vraiment quelque chose de spontané. C'est vraiment un truc de pudeur. Et puis, au fur et à mesure, au fil des événements, on s'est rendu compte qu'on avait bien fait, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui nous protège. Je crois qu'on n'est pas, autour de nous d'exemples dans nos familles, dans nos amis, de gens à qui des choses comme ça sont arrivées, forcément. Enfin, parce que ça a été quand même assez fulgurant. Ça a un côté qui peut être assez vertigineux, un peu même nocif. Et on se rend compte qu'on a bien fait et qu'il faut continuer à maintenir ce truc-là parce que c'est ce qui nous préserve vachement. C'est Fifou 75 qui vient de répondre. Ouais. Et c'est pas pour refoutre la merde dans le collectif, mais il y en a de temps en temps un qui dit: allez, moi j'ai quand même envie de montrer ma tronche, quoi. Non, jamais. Non. En tout cas, il n'est pas là. Il a été écarté assez vite. Alors, on verra avec Clara Dupont-Mono, vos textes sont denses et vous dites vous-même aussi, il y a comme un espèce de trop-plein à déverser. Vous avez énormément de choses à dire, d'où votre style. Est-ce qu'il y a, il y a tellement de choses que vous avez envie de dire et pas envie de faire un choix dans votre style de texte? Enfin, si, il y a un choix qui est fait parce que quand on prend les textes de base, la version un petit peu... brouillon, quoi, le premier jet, en fait, il y en a beaucoup plus. Le travail, souvent, c'est d'en enlever. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de peur de ne pas réussir à tout dire, en fait. C'est hyper bizarre. Mais même nous, on se fatigue, hein, parfois, quand il y a des textes. J'ai pas dit que vous étiez fatigant. Hein. Il y a aussi une forme d'angoisse aussi. Donc, votre nouvel album s'appelle Vieux Frères, partie 2, qui est sorti le 16 février, donc c'est tout frais. Et il y a notamment la première chanson où vous dites: j'ai l'impression de me retrouver en 98. Vous parlez notamment, il y a un passage sur les 4x3, les grands panneaux publicitaires, où on voit finalement toujours ces mêmes vieux groupes avec des vieux chanteurs aux cheveux teintés. Ou des affiches de mauvais comiques. Et ça me fait penser. Fiche de mauvais comique, c'est vrai. Ou deux filles qui ont des problèmes avec leur père. Il y a un côté toujours un peu désabusé et parfois un peu angoissant, comme dans Azulejos, qui est a cappella et qui est un peu dans l'angoisse. Ouais, ça vous vient d'où, cette angoisse? Je sais pas, on est des... Parce que vous avez l'air sympa et cool. Ouais, mais justement, c'est à ça que nous sert Fauve, quoi, finalement. On n'est pas des gens dépressifs ou destructeurs ou tristes. Mais justement, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des choses comme Fauve dans nos vies qui nous permettent de mettre tout ce qu'il y a d'irrationnel comme peur. C'est ça, vous les mettez entre les oreilles de vos auditeurs. Puis, non, mais en fait, on les met sur la bande, surtout, on les évacue. C'est une façon de canaliser cette énergie qui pouvait être parfois un petit peu stressante vers quelque chose de constructif, de positif, et même le tourner vers un truc qui nous faisait du bien, tout simplement. Mais vous diriez que c'est générationnel? Est-ce qu'un collectif fauve avec les mêmes textes aurait été possible il y a 30 ans ? Nous, notre démarche, elle n'a rien de générationnel. Notre démarche, elle est hyper simple. On est des potes, on se retrouve. Elle est même à contre-courant un peu de la génération. Hein, quand on dit vous ne montrez pas, il n'y a pas vos visages, etc. Bah, c'est bien, c'est la première fois qu'on nous dit ça. Parce que c'est vrai que le c'est pas du tout une attaque, mais ce truc de... générationnel ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui revient assez souvent, pour être honnête, dans les questions qu'on nous pose en interview depuis un peu de temps. Et ça nous a surpris, en fait, la première fois qu'on nous l'a posé, parce que encore une fois, on fait vraiment les choses pour nous, quoi. C'est vraiment très intime, c'est une thérapie. Oui, mais il y a groupe. Notamment, par exemple, dans vos textes, il y a quelque chose qu'on retrouve qui est lié à l'époque. Bah oui, mais par on exemple, écrit là, sur bien ce sûr, qu'on vit. Bah c'est pour ça, donc c'est un peu générationnel quand même. Quand vous, notamment, il y a des chansons. Après, c'est pas délibéré, forcément. Il ouais, y a des mecs qui font du death metal et qui racontent des histoires de fées et de sorcières et tout, c'est sûr que bon, là. Voilà, c'est assez rare en fait, ça arrive, mais c'est une niche. Nous, on fait comme plein de gens, on écrit sur ce qu'on vit, quoi, mais sur nos ressentis. Mais notamment, vous pourfendez le culte de la performance, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans vos textes, ouais. Et ça, c'est très lié à l'époque. Et surtout, on revendique le droit à la faiblesse, ouais. C'est surtout ça, tu vois. On a tous envie de progresser, il n'y a pas ce truc de pas avoir envie de bien faire, au contraire, on a envie de faire les choses le mieux possible, on a envie de progresser, on a envie d'aller de l'avant. Mais on revendique quand même le droit à la faiblesse, le droit de se planter, le droit d'échouer. Parce qu'effectivement, parfois, on a l'impression, les signaux extérieurs font que t'as l'impression que tu joues ta vie sur plein de choses tout le temps. Et ça, c'est un petit peu difficile parfois. Mais c'est notre ressenti. Il y a des gens, justement, qui vont dire « C'est quoi ce groupe de baltringue ?» Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Clara Dupont-Monod a dit ça tout à l'heure. Et on va voir que vous prenez très bien la dérision à ce sujet. Et le mieux, c'est de vous écouter les Hautes Lumières. Après la nuit... Innocent, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de mangue craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les vol queens qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui deviendront des bracelets de fleurs puis des rubans puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, rassure-toi, au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert des frères tisserands à pied canu. J'ai à la main mes ossières, je suis prêt. Les mains pleines, je t'emmène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp, nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'ânesse avant de sécher ton corps moi-même comme avant quand on était adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge baigne nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts avant d'aller regarder la lumière de lampadaires qui rougeoie et qui vacille sur les berges du fleuve endormi. Dont les risées de vent emplissent la surface. Je veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, je t'offrirai les hautes lumières. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navonne, toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lissé brillant des palais. Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient « Les enfants, je vous emmène à Orléans si ça vous plaît. » Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens. Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent. On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même. Je t'emmène loin des griffes de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlée. Je t'emmène courir après des filles, après des garçons, après des rêves. Et contempler les vivants, ces gens qu'on croise parfois, qui nous font tomber amoureux pour deux, pour trois. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seuls dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, par-dessus les dômes byzantins, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamants pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières. Après la nuit. Les hautes lumières, Fauve, ils sont avec nous sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout. C'est un extrait de Vieux Frères partie 2. Et alors, vous êtes en tournée dans toute la France, mais alors tout est quasiment complet. C'est incroyable. Il y a quand même le Zénith de Paris qui est encore disponible le 26 mai. Je donne quelques dates. Il y a le 26 mars à Rennes, le 2 avril à Lyon, le 3 avril à Genève, le 9 avril à Toulouse et vous venez même à Bruxelles le 4 mars. Ouais, c'est le premier concert de la tournée. Et oui. C'est dans deux jours, ça. C'est après-demain. Ouais. Ah oui, c'est après-demain, le 4 mars. Donc, par cœur, ça va vite. On part demain soir. Avec Fauve et autour de la table, Alex Vizorek. Clara Dupont-Monod, Thomas VDB et Guillaume Meurice qui a été au Salon de la Beauté. Ça peut être au Mondial de la Beauté. Au Mondial de la Beauté, pardon. Vous êtes rentré facilement ? Oui, ouais, j'avais une accréditation. Tiens, on va passer un petit peu la presse en revue. On va se remettre à la page. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et retour sur l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov, alors qu'il appelait à manifester contre Poutine le lendemain. Ouais, c'est là qu'on perçoit toute la différence entre la Russie et la France. En France, si tous les types qui prévoient d'organiser une manif se font assassiner, la population française chute de moitié. Le plus étonnant, c'est qu'il reste encore des opposants en vie aujourd'hui en Russie. Oui, Poutine, il veut faire durer le plaisir, hein, ça je ne vois que ça. En tout cas, c'est pas Poutine qui a tiré dessus, ça c'est sûr. Ah non, ça Poutine, il aurait pas gaspillé 4 balles. Une seule aurait suffi. Merci pour cette prise de position pondérée. Qu'est-ce qui vous dit que ce Nemtsov n'a pas trébuché maladroitement sur un revolver oublié là. Oui, oui, oui, là, vous mettez le doute. Ben voilà, oui. Voilà. Passons à la soirée d'hier, j'ai regardé votre idole à la télé, Charline. Oui, Julien Clerc, c'était l'invité du 20h de France 2, présenté par Julien Bugier. Il faut dire à tout le monde que votre idole, c'est Julien Bugier, ah pas oui, Julien Clerc. Hein, et attention, on va prendre une leçon d'interview. Charline, notez parce que ça va vous servir. On y. Je disais à l'instant, Julien Clerc, éternel ado. C'est vrai que vous traversez les époques et on a l'impression que vous ne changez pas. Ah. Et donc l'interview a commencé là. Ah bah oui, c'est à mon début, on poursuit. Ah, okay, d'accord. Toujours le même succès, toujours la même fraîcheur, toujours la même envie. Ah, et donc ça c'est la deuxième question. Oui, c'est hein. Ça. Donc on est là, on est au cœur de l'interview. C'est ça, mais notez, parce que vous pourriez oublier. D'accord, hein, ouais, ouais, très franchement, à part les cheveux, vous n'avez pas changé, hein, je vous le confirme. Ah ouais, il y a un style, hein. C'est la patte, c'est la patte, Julien Bugier. Ouais, j'espère Julien, que là, ouais. Julien, pardon. C'était Julien Clerc et Julien Bugier. Déjà qu'on l'écorne un petit peu, on va pas en plus écorner. On le salue, on le salue, on le challenge. Bah on oui, peut oui, dire oui, ça comme bah ça. Oui. En tout cas, je qu'il fasse une interview de Poutine directement. Mais ça, il s'était bien débrouillé l'autre. Alors Vladimir Poutine. Ça va ? Vous n'avez pas changé ? Vous avez raté la fin, c'est un super album. Voilà. Mais ça fait toujours plaisir quand on dit c'est un super album quand même. Devriez, rien que pour Julien Bugier, vous devriez faire de la télé un peu. Donc on termine par deux infos showbiz. Oui, est-ce que vous connaissez l'âme ? Pas très bien. Bah voilà, bon, alors l'âme a défendu Julien... Non pardon, Julien, je mets que des Julien partout. Jean-Jacques Goldman par tweet, elle a écrit « Je commence à en avoir vraiment ras les couilles que des gens critiquent Jean-Jacques Goldman. » Paf. Ah oui, vous voyez, je connaissais pas bien l'âme parce que je croyais que c'était une chanteuse, moi. Eh ben, vous connaissiez très bien l'âme, c'est une chanteuse, enfin je crois. Et je termine par la Finlande, qui a décidé d'envoyer à l'Eurovision un groupe punk, PKM, composé de 4 trisomiques. Et s'il gagne, ça ne fera que confirmer tout ce que je pense de ce concours, je vais voter pour. C'est nous vrai, sommes ensemble, c'est vrai, oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On était proche de l'actualité là quand même. Je suis désolé. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Fauve. On va vous appeler Fauve 1, Fauve 2. Fauve tout court, c'est bien. Oui. C'est moins compliqué, vous verrez. Raymond et Marcel, moi ça me plaît aussi. Mais ouais. L'important, c'est que vous changez tout le temps. Comme vous n'êtes pas si générationnel, que vous êtes plutôt à contre-courant, ça me... Pascaline et Françoise. Oui, voilà. Ça je vous verrai bien. Gervaise. Et on va voir que vous êtes ancré dans cette société avec nous. Premier sujet, Nicolas Sarkozy voulait sans doute marquer les esprits pour sa grande interview ce matin dans le Figaro. Et il a choisi d'adapter un classique du Front National en évoquant le... Il faut dire aux gens ce qui s'est passé. Bah, je sais pas, vous êtes allergique à Nicolas Sarkozy parce que quand je parle de lui, vous vous mouchez. Je me mouche dès que j'entends le nom de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Non, mais je me suis mis en micro, je suis navré. Et il a choisi d'adapter un classique du Front National en évoquant Le FNPS. Oh Simon, hein, va falloir me le vendre ce film, hein. Je fais des gimmicks, des phrases choc. Quel genre? Bah genre, des phrases choc quoi. Quel genre? Genre des phrases choc. Voilà, extrait de la cité de la peur. Ça va, c'est... Je présente toutes mes excuses à tous les auditeurs de France Inter. C'est pas grave, vous avez fait ça à côté du micro, ça n'est pas viral. Il n'y a pas de problème. Le pire, c'est qu'il était loin du micro. Allons-y. Bon, alors voilà, donc on parle du retour globalement de Nicolas Sarkozy. Le FNPS, donc, ce serait une sorte d'alliance entre la gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un soupçon que la gauche a intérêt à ce que le FN progresse pour remporter 2017. Et alors, on s'est rendu compte que c'était une formule qui avait déjà été utilisée par Jean-François Copé. Et là, on est en train de se demander, c'est une question qu'on se la pose depuis ce matin, attention, un roulement de tambour, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre des idées de Jean-François Copé quant au Nicolas Sarkozy? Je me demandais, moi. Gervaise. Je sais pas si ça vaut... A priori, pas trop, je crois. On attend les pains au chocolat et tout, ça. A priori, comme ça, là, brûle pour point. Je sais pas, Copé, il avait pas fait les pains au chocolat, ça. Si, ça, bah, c'est Jean Dassin, ça. Non. On attend ça, Sarko, il va nous parler de ça bientôt. Mais oui, mais c'est vrai, parce que s'il reprend toutes les boulettes de Jean-François Copé, on n'est pas à l'abri d'un... Mais oui. Mais est-ce qu'il joue bien du piano, au moins, ou du clavier, bon, tant pis, Copé. Il paraît que Copé, il fait du jazz et tout. Oh putain, j'ai raté un truc. C'est vrai que s'il fait du jazz comme il fait de la politique, il va falloir écouter ça. S'il ne donne pas son nom, est-ce qu'il peut rentrer par exemple dans votre... Bah, le FNPS, c'est une sorte de nouveau collectif, du coup, apparemment. Ils piquent toutes les idées, faire, en fait, hein, les mecs. C'est vrai, on n'avait pas vu comme ça, mais c'est un corps, en fait. C'est ça. Ouais. Mais non, il y avait quand même un temps... Vous vous rappelez quand même de ce temps où chaque sortie de Nicolas Sarkozy, c'était un événement, tous les médias en parlaient, c'est lui qui donnait le là, etc. Vous vous rappelez de cette époque qui n'est pas si loin? C'était l'époque de votre premier, comme on dit, EP, de vos, premières, de vos premiers titres. Franchement, il y a un truc un peu triste, je trouve. De Sarkozy qui a voulu faire son comeback, j'imagine, en espérant que tout le monde l'attendrait à bras ouverts, alors qu'il manquait, à mon avis, à personne. Et du coup, mais tu sais, on parlait des vieux chanteurs aux cheveux teintés qui font... Exactement. Un peu pitié, mais c'est un peu... Il y a un peu ce côté-là, quand même. Il pourrait faire partie de votre chanson je me retrouve comme en 98, c'est-à-dire quand vous voyez Sarkozy, vous avez l'impression de revenir en arrière. Mais il n'est pas encore assez ringard, quoi. Il faut attendre un peu, en fait. C'est cyclique. Dans 20 ans, il sera peut-être cool à nouveau, tu vois. C'est quand même dingue, ce truc. S'il n'aurait jamais été, mais... Comme les absents créent une sorte de petite fascination. C'est comme Chirac, et aujourd'hui, tout le monde est sympathique, alors qu'à la fin, tout le monde en est marre, tu vois. Exactement. C'est un peu pareil, c'est hyper chelou. Et je pense que c'est pareil pour les musiciens. Ou le Burger King. ou Jean-Jacques Goldman, qui pourtant a fait un retour avec la chanson des Enfoirés, qui est descendue en flèche. Non, mais on nous a posé la question hier aussi à la radio. Ah bon? Sur une autre radio. Mais c'est parce que c'est Jean-Michel qui a répondu, vous n'étiez pas là, peut-être, non? Non, toi j'en suis fou, t'étais au tennis. ce truc, c'est peut-être juste... non, franchement, en vrai, Goldman, c'est un peu un plaisir caché des mecs de fauve, en vrai, parce qu'il y a des trucs incroyables. Vous faites plaisir à Clara Dupont. Non, mais en vrai, non, mais... Ça, c'est un orgasme. Faut arrêter de déconner, quoi. Genre, les quatre autour de la table se moquent de moi à chaque fois. C'est comme, presque comme Balavoine. Balavoine, c'est un peu moins honteux, mais même c'est plutôt chambé, même. Mais Goldman, c'est un génie, il faut le dire. Après, la chanson là, dont on parle... Ça fait partie de ce qui vous a nourri aussi? Non, pas du tout. Mais plutôt, justement... En fait, il arrive à faire... Après, c'est des trucs techniques à la con, mais il arrive à faire des vrais trucs pop hyper, hyper faciles et qui paraissent abordables et évidentes. En vrai, c'est assez compliqué ce qu'il fait quand on regarde les grilles d'accords, la façon dont il construit ses trucs. C'est vraiment pas mal. Mais en vrai, on a maté le clip. Moi, je l'ai maté et je trouvais que ça faisait vraiment... C'était un peu embarrassant, quoi. C'est embarrassant. Polémique ou pas polémique, c'est juste un peu naze, en fait. Jean-Jacques, t'as quand même fait beaucoup mieux. Mais ce qui est dommage, c'est que ce truc, c'était un peu inoffensif, truc des enfoirés, genre... ça faisait un peu pitié, mais ça faisait de mal à personne. C'est vrai que là, il y a un truc un peu gênant, tu vois. Mais pourtant, en plus, c'est genre jeunesse contre soi-disant contre les autres, mais dans les autres, t'as plein de petits jeunes, les tales et compagnie, tu vois. J'ai pas bien compris non plus. C'est surtout riche contre pauvre, en fait. Qu'est-ce qu'il faut? C'est plus ça. Un peu ça. Résumé par Guillaume Meurice, c'est ce que ça donne. Juste et alors gênant, là, c'est le moment à cette heure-ci, sur France Inter, de la chronique de Thomas VDB. Ah, ouais. Et c'est l'homme qui n'a pas besoin de jingle parce qu'il est fait tout seul. Yes. Et alors là, c'est aussi très très technique, comme du Jean-Jacques Goldman. Tu veux que je fasse du beatbox? On pourrait le faire en beatbox, on va rester dans la prose un petit peu plus normale, un peu de musique, un peu d'actualité, c'est la page Actualizic de Thomas VDB. Ah bah ouais, c'est comme ça qu'on rentre dans la chronique. Alors évidemment, tout d'abord, je voudrais bien évidemment d'abord saluer les membres de Fauve qui sont dans le studio avec nous. C'est une chance pour nous de vous avoir, parce qu'habituellement, bah, on le disait tout à l'heure, il faudrait que vous essayiez de ne pas trop montrer vos vrais visages, mais vous avez eu la gentillesse de venir au naturel, ce qui est pour nous l'occasion de découvrir vos vraies têtes. Et c'est vrai que je vous ai vu perso, je vous imaginais pas du tout comme ça. C'est vrai, c'est marrant, un qui louche autant et l'autre avec les oreilles hyper décollé. Voilà, mais je vais pas vendre la mèche pour ceux qui vont vous découvrir sur la tournée. Alors c'est vrai que il y a une. C'est les mecs de Kitsune en fait. C'est peut-être là les gars. Alors il y a une super nouvelle. Il y a une super nouvelle cette semaine pour les fans du groupe canadien qui s'appelle Arcade Fire. Peut-être est-il besoin de rappeler qui est Arcade Fire. Oui. C'est le groupe canadien le plus connu du monde à l'heure actuelle. C'est quasiment, je vais dire, l'équivalent du sirop d'érable mais en musique. Hein, je pense que si le sirop d'érable pouvait chanter, peut-être ça ressemblerait beaucoup à Arcade Fire. Et il y a un membre de Arcade Fire qui s'appelle Will Butler, qui est donc le guitariste, qui est le frère du chanteur. Il a travaillé toute la semaine pour le quotidien anglais qui s'appelle The Guardian. C'est-à-dire, il s'est dit, il écrivait pour leur site internet et chaque jour, il s'est dit, je vais écrire une chanson basée sur un sujet d'actualité. Alors, je ne veux pas être parano, mais je crois qu'on peut parler d'une sorte de variante anglophone de l'actualisique. Hein, je ne serais pas étonné d'apprendre que le mec d'Arcade Fire écoute un peu France Inter et se soit dit, ah tabarnak, dis donc, elle est pas mal la chronique actualisique de Thomas VDB. Hein, je fais très mal l'accent québécois. Alors, d'ailleurs, le jingle d'intro sur le site du Guardian, c'est mise en musique d'Arcade Fire, toutes les infos des dernières heures. On n'est quand même pas très très loin de la musique de mon jingle. C'est un peu facile de changer les mots pour piquer les idées des autres. Alors, chaque jour, un nouveau morceau. C'est un vrai défi pour un musicien. Un musicien, en plus, n'est pas habitué à traiter l'actualité. Ce n'est pas sa vocation première. Hein, c'est un peu comme un journaliste qui chante. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des chansons postées par Edou Plenel sur site Mediapart l'année dernière. Ça n'a pas pris plus que ça. Hein, Edou Plenel qui chante, ce n'est pas fou. Hein, au mieux, si tu coupes le son, ça peut te faire penser un bel hommage à Georges Brassens. Hein, Mediapart.fr. Voilà, donne-nous du rêve. Edoui, donne-nous du rêve. Alors donc, sur le site du Guardian, on peut découvrir les chansons que Will Butler d'Arcade Fire a postées cette semaine, que ce soit une sur l'arrivée d'Alexis Tsipras au gouvernement grec, ou une sur les gars de ISIS qui, ces derniers jours, ont détruit des musées en Irak. Alors je veux dire une chose, c'est quand même une chance pour Will Butler que l'actualité soit si riche en ce moment, parce que des fois, il faut bien reconnaître que les journalistes n'ont rien à raconter, mais ils sont quand même obligés de faire un bulletin d'informations, quitte à ressasser les mêmes actualités chaque année. Imaginez, le mec d'Arcade Fire aurait été obligé de composer des chansons sur l'actualité pour The Guardian, mais fin août, début septembre, le gars il aurait été là, ben on approche la rentrée scolaire et j'ai décidé de composer une chanson sur un truc qui me fout en l'air depuis toujours, c'est le problème des cartables trop lourds. Évidemment, t'as ton tan, swim est en charge, la scoliose te pone. On te remercie pour cette belle mélodie. Pareil, s'il avait dû faire une chanson par jour sur l'actualité à l'approche des vacances d'été, il y a peut-être un jour où il aurait été sec un peu niveau inspiration, peut-être comme moi, hein, vous allez dire. Hein, je pense que le gars aurait dit, comme vous le savez, les cancers de la peau se développent aussi à cause d'une exposition au soleil trop prolongée. Et sans protection digne de ce nom, alors j'ai composé un morceau qui s'appelle Juilletiste ou Haussien, étalez bien la crème avec vos mains. On vous remercie Arcade Fire pour ce magnifique traitement de l'actualité. Merci à vous Thomas VDB. C'est Thomas VDB. Comme vous avez dit, un journaliste qui chante, il y a un de vous deux qui a sourcillé. Il y en a un qui est fan de Christophe Ondelat. Vous avez d'autres exemples comme ça? Non mais justement, c'est parce qu'on nous pose souvent des questions... sur la politique et tout ça, et c'est vrai que c'est pas un terrain pour nous Fauve est pas l'instrument de ça, ça a pas été créé pour ça, donc à titre personnel on a nos convictions et puis on en discute, mais du coup on essaye au maximum de distancier Fauve de ce genre de considération. Bah, ça s'est réussi avec vous, inquiétez pas. Soit disant parce que t'es musicien, t'es un peu plus intellectuel qu'un joueur de foot, mais tu demanderais pas. Mais on se sent toujours un peu con de dire ça, ouais, et on passe un peu pour des mecs qui savent qui n'osent pas répondre. Mais pas du tout. Alors justement, vous êtes bien tombé parce que dans le fait. Et en fait, j'aime bien la formule du coup, un groupe qui parle de l'actualité, c'est comme un journaliste qui chante, c'est pas mal. Alors vous êtes bien tombé parce qu'évidemment, on a bien conscience qu'on demande à des artistes ou des acteurs de réagir sur l'actualité. Mais on a aussi des sportifs. Et comme on en fait ce qu'on veut, c'est aussi une forme de se moquer de ça, parce que je veux dire, nous on est belges et en Belgique ça n'existe pas, et en France il y a un truc quand même incroyable, c'est que tout le monde doit avoir un avis sur tout. Et donc c'est aussi une manière de se dire, bah voilà, on rigole de ça aussi, d'avoir un avis sur tout. Des fois on n'a pas d'avis et puis basta quoi. Donc si vous n'avez pas d'avis, vous nous le dites, hein, n'hésitez pas, on sera là pour donner le nôtre. Sauf que vous êtes deux. Et donc, des deux chances de ne pas avoir d'avis, c'est quand même rare dans l'émission. Et des fois, on a aussi des avis à la con, regardez Clara. qu'on écouterait j'ai bien manqué à Guillaume Meurice. Qu'est-ce qu'on écouterait bien, par exemple, maintenant? On va vous envoyer un Dominique A et vous allez savoir pourquoi juste après, parce qu'il y a une subtilité. Vous allez pouvoir bientôt le voir ici à la Maison de la Radio. C'est pas vrai. Je vous dis tout juste après, Dominique A. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui avance vers moi, c'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Et à plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. Dominique A, au revoir mon amour. Thomas VDB, vous êtes dissipé aujourd'hui. Pardon. Oui, c'est Thomas VDB, vous faisiez déjà, un maintenant son. Je me mouche hors antenne, donc c'est bien quand même. C'est bien, progresser. Dominique A, il sera en concert le dimanche 15 mars à l'Auditorium de Radio France avec France Inter pour une création originale avec des musiciens de l'Orchestre National de France. Et vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site maisondelaradio.fr. Vous imaginez l'Orchestre National de France, l'Auditorium et Dominique A. Je serai vous, j'irai sur maisondelaradio.fr. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Fauve. Et alors là, c'est un moment particulier, c'est le moment de l'investigation par le comique. C'est une nouvelle forme. C'est aussi générationnel ou pas, je ne sais pas. C'est Guillaume Meurice. C'est intemporel. Voilà. Moi, j'aime bien, moi. Ah, ça c'est gentil. Ah, ça, c'est gentil. C'est mon beau-frère Marco, il m'en a fait écouter une sur les hôtels, je crois. Le Meurice, sur le Meurice. Oui, sur l'hôtel Royal Monceau. Ah, c'était il y avait une grève, exact. Très bien. Mais bon, on le salue. Tonton Marco, c'est ça? Mon beau-frère. Beau-frère. Il est au Vietnam. On le salue, on le salue. Alors, saviez-vous qu'en ce moment a lieu dans la grande halle de la Villette le mondial de la beauté? C'est bien ça? Bah non. Non, vous n'étiez pas invité, hein, posez-vous des questions. Si vous faites de la radio, c'est pas pour rien. Ceci dit, moi non plus, mais je me suis invité. Plein de professionnels de la beauté étaient là. Par exemple, un fabricant de maquillage à qui j'ai demandé qu'est-ce que la beauté? Bah, la beauté, c'est l'excellence, c'est la qualité, c'est le bien-être. Est-ce que moi je corresponds à tout ça ou pas, vous pensez? Oh oui, vous avez l'air d'avoir une bonne tête, hein, et de pouvoir correspondre à ce genre de choses. Bon, j'ai pas besoin de vos produits, alors. Oh si, bien sûr que si, mais... Ah bah non, vous venez de dire que non. Ah bah non, j'ai pas dit non, mais une fois qu'on aura terminé cette interview, vous inquiétez pas, on s'occupera bien de vous. Voilà, autant dire que je me suis barré vite fait, j'ai vu la tronche des vendeuses, elles étaient tellement maquillées, on aurait cru un appartement après le passage de Valérie Damido. Elles étaient pas maquillées, d'ailleurs elles étaient marouflées directement. Ou de la CGT, hein. Oui, ou de la CGT, bah ouais. On peut le dire, oui, c'est vrai. Ouais, salut, ouais. Thierry Lepin. On le salue, où qu'il est, où qu'il soit, pardon. Hein. Bon, alors moi, il me fallait des bons produits, des produits naturels. Et ça tombe bien, la société WishPro en proposait à longueur d'argumentaire. Mais on recherche des méthodes qui sont non invasives, qui sont naturelles et qui nous permettent d'effacer les effets du temps. Puisqu'on parle de capsules qui vont être chargées en actifs à base d'acide hyaluronique, à base d'argyroline, un biométique du Botox, à base de collagène notamment. Alors ça, c'est que du naturel. Alors c'est pas du bio, hein. Non, c'est pas du bio, clairement. Je crois que je préfère encore me plonger la tête dans un seau rempli d'acide sulfurique que de me foutre ça sur la peau. Autre particularité du mondial de la beauté, outre la hantise du vieillissement, la hantise du poids. D'ailleurs, sur toutes les affiches, que des mannequins anorexiques. Les filles ne peuvent-elles pas être belles autrement qu'en ressemblant à une asperge desséchée? Demandons à cette gérante d'une école d'esthéticienne. Ah mais si, il peut y avoir des gens en surpoids qui sont beaux, ça n'a rien à voir. C'est un savoir-être la beauté pour moi. Oui, mais vous les mettez pas sur vos affiches. Si. Mais ils sont où sur les affiches? Bah, quand on a un savoir-faire et un savoir-être, on ne voit plus le reste. Je vois mal. Si, vous voyez bien. Bah alors, je les vois pas. Mais vous êtes épouvantable, cher monsieur. Voilà, je suis épouvantable. Je ne serai donc jamais sur leurs affiches. On a quand même continué à discuter et ne me demandez pas comment ni pourquoi, on en est venu à parler politique. Je soutiens Patrick Balkany et je n'ai pas honte de le dire. Mais vous le trouvez beau? Alors ça, franchement, je ne peux pas parler de la beauté en politique, monsieur. Il a un beau sourire. Il a un sourire merveilleux, tout à fait. Il est fort en blanchiment, Patrick Balkany, oui. Vous trouvez pas? Je ne réponds pas sur ce sujet, monsieur. Je ne me ferai pas déraper. Non, mais en blanchiment dedans. C'est tellement primaire et tellement facile. Je ne rentre pas là-dedans. Non, non. Non, non. Non, non, non, non, non. Épouvantable et primaire, c'en était trop. Je suis parti plein le dos. À propos, il y avait également un fabricant de sièges ergonomiques pour les esthéticiennes afin de soulager leur colonne vertébrale. Un bon produit, mais... On se heurte, par contre, à la problématique de prix psychologique parce qu'on vend des sièges qui sont quand même entre 500 et 1000 euros hors taxes. Ah oui, quand même. Et ils sont pas forcément dans leur tête, si vous voulez, prêts à mettre ce prix-là. Ah oui, on a moins de problèmes de dos, mais on a un peu mal au cul en les achetant. Voilà. voilà. Et puisqu'on parle de cul, parlons pubis, avec un spécialiste de l'épilation définitive. Nos contemporaines ne souhaitent plus avoir de poils. Et si la mode change alors avec l'épilation définitive, c'est foutu? Ils seront obligés de s'en faire poser des faux. Ça sera très rigolo, comme il y a des fausses barbes, mais il y aura des faux pubis. Et vous allez en vendre, vous, après, derrière? Bien entendu. Bien entendu, ça sera le petit cadeau quand on achètera la machine, mais au cas où la mode tourne, on offrira une fausse barbe intime. Une fausse barbe intime, voilà. Ça peut être un beau cadeau pour une femme de djihadiste, hein, pensez-y. En tout cas, le complot du pubis, comme il dit, est en marche. L'épilation permet également de se sentir jeune, paraît-il. Mais lui, il ne fait pas de publicité pour ses produits. Non, mais j'en fais sur moi-même, puisque vous le voyez, j'ai 70 ans et j'en fais 50. Oh, vous faites un peu plus quand même. 60 alors. Ouais. Ah non, soyez pas désagréable, c'était sympa jusqu'à présent. Bon alors, pour ne pas être désagréable, je suis parti. Hein, je me voyais mal expliquer à Gollum qu'il ne ressemblait pas à Georges Clooney. Et en quittant l'événement, je suis tombé nez à nez avec l'organisateur, monsieur Roland Buffet. Alors, est-ce que les critères de beauté sont très objectifs? C'est pas toujours objectif, non, c'est vrai. Non, parce que quand je suis arrivé, moi j'ai cru que c'était le salon de Photoshop. Parce que toutes les mannequins qui sont affichées, elles font du 36 ou du 38. Mais ce sont des jeunes. Les jeunes restent encore minces et elles prennent du poids avec l'âge. Sacré Roland! Il nous prouve, ce Roland, s'il le fallait, que les coulisses du mondial de la beauté, c'est pas joli joli. Merci Guillaume Meurice. C'est ce que ça donne, le comique d'investigation. Franchement, c'est bien, hein, comme la dernière fois. Merci beaucoup. Validé par Fauve qui est avec nous. Je rappelle le nouvel album Vieux Frères partie 2. Il y a des places encore au Zénith de Paris le 26 mai et vous serez notamment le 10 mars au Nouveau Casino, le 11 mars à la Gaîté Lyrique, ou par exemple le 4 mars à Bruxelles, le 5 mars à Dijon. Ah, ça c'est bientôt, c'est cette semaine. C'est donc. Tout à fait proche. Allez, tout de suite, le sujet 2 avec vous. 1700 étudiants sont déjà passés par l'école de Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, qui est apparemment tout sauf une école. Il n'y a pas d'horaire, pas d'enseignant. Bref, il existe une alternative à l'éducation nationale et la voici. Ils sont tous à vouloir devenir stars. Ils rêvent de succès. Ils attendent la gloire. Le travail, la rigueur, la précision, c'est ce qu'on va leur demander. Et sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Francesca, Mathieu. Il rêve de devenir Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Et Xavier Niel, donc, c'est un autodidacte qui a percé dans le Minitel rose et qui a créé une école donc, pour autodidactes, plus ou moins, hein, parce qu'il n'y a pas de professeur. Chacun a quelque chose à apprendre de l'autre, en fait. Et donc, vous voyez, il y a une possibilité d'alternative à l'éducation nationale, en fait. De quel œil vous voyez ça, vous? C'est gratuit, en plus, non, c'est ça? Ouais, exactement. C'est pas cher, ouais. En tout cas. En tout cas, c'est pas cher. C'est beaucoup moins cher que les autres écoles. Moi, je suis une bite en informatique et tout ce truc-là, donc je trouve que c'est une bonne initiative. L'idée qu'il n'y a pas d'enseignants, c'est juste un staff. Et que chacun peut apprendre à l'autre. Il y a un exemple qui est donné dans Libération ce matin, il y a une double page, parce que quand on vous demande par exemple la date de la bataille de Marignan, ben, on dit 1515, et puis quand on dit ben, c'était qui contre qui, certains ne savent pas répondre, alors il y en a d'autres qui aident et qui donnent la réponse, et on dit ben, il n'y a pas besoin d'enseignants, chacun a quelque chose à apprendre à l'autre. C'est un peu utopiste ou apparemment ça fonctionne. Je sais pas, enfin, je trouve ça carrément cool. Ouais, c'est super cool après. L'éducation nationale, c'est peut-être pas les meilleurs pour tout ce qui est technologie aussi, tu vois. Nous on vient de la fac normale comme tout le monde, mais moi, je me rappelle quand on était en troisième, quand on avait des cours de technologie, on faisait toujours les trucs en PVC et tout, là, tu sais, les portes. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y avait, déjà des ordinateurs à l'époque, tu vois. Donc, tout pour poser ses partitions pour deux cours de musique. Un repose-partition. C'était intéressant de faire c'est effectivement l'argument. Il y a eu un avant et un après dans ma vie entre le moment où j'ai fait un truc pour reposer mes partitions en cours de musique. C'est un argument de Xavier Niel qui dit qu'à l'éducation nationale, le numérique, ils sont loin d'autres résultats. Ça se tient, ouais. Franchement, ouais, un peu, quoi. Et alors, il y a une autre chose, c'est que pour devenir staff encadrant, il y a quatre élèves qui sont passés directement au staff encadrant parce qu'ils avaient réussi à pirater le serveur de l'école. Ça, c'est stylé. Et donc, ils sont passés. Pas mal. Ouais. Donc, je pense que, vous validez. Ce genre de concours, c'est marrant, quoi. Voilà. Non, mais cela dit, des élèves qui sortent du circuit généraliste, il n'est pas sûr qu'ils savent Marignan qui contre qui, hein. Non plus. Voilà. C'est ça aussi. Donc, c'est voilà. Moi, je sais pas en tout cas. Bah oui. Et surtout, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Oh là là, toi, tu vas te faire tweeter la gueule. Je me posais la question. Tu vas te faire haïr de beaucoup d'auditeurs. Clara Dupont-Moneau, justement, si on prenait un petit peu de hauteur et qu'on montrait à nos invités, Fauve, que voilà, c'est aussi une émission culturelle. Un petit peu. Oui, parce que l'actualité, ce sont donc nos invités, le groupe Fauve, Fauve 1, Fauve 2, et vos chansons méritées. A et B, voilà, un segment. Méritez bien une chronique parce que vos chansons, elles ressemblent à des petits romans. À chaque fois, elles racontent une petite histoire. Et d'ailleurs, ça vous fait un point commun pour moi avec Jean-Jacques Goldman. Et si, ça en fait quand même un. Alors, merci. Mais c'est un compliment pour vous, vous avez raison. Alors, on ne va pas se mentir, les histoires que racontent vos chansons ne sont pas toujours hyper au taquet côté joie de vivre. Dans les draps sales de mon sommeil, encore rêver de mes dents qui tombent. Cette fois-ci, il y avait aussi des morceaux d'ongles. Du sang séché. L'autre fois, j'ai vomi du verre pilé. Je finirai par me les limer, mais plus tard. Ça vous fait rire, Clara. Bah, il y a petit moral, quoi. Il est souvent question de. C'est le titre Azulejos. Voilà, Azulejos. Il est souvent question de, quand même, de dépression, de tristesse, parfois d'impuissance sexuelle. Mais sachez que ah bah si dans comment elle s'appelle celle où le ah les nuits fauves. Il y a quand même question d'impuissance où il y a et d'ailleurs c'est écrit sans tabou. De blocage. Mais, ouais, voilà, de ça blocage. À tout le monde. Non mais c'est très bien sûr que ça arrive à tout le monde. Demandez à Guillaume Meurice, ouais. C'est assez régulier. Mais pourquoi c'est tombé sur moi? Parce que tout à l'heure vous m'avez cherché. Mais sachez que non, nous on aime ça. Le noir est aussi un peu notre ami. D'ailleurs c'est notre point commun avec Shakespeare. Et d'autant que vos chansons sont un travail d'orfèvre sonore. Je ne sais pas si vous en avez bien conscience, mais c'est un travail hyper précis. Non, parce que tout à l'heure ils m'ont dit que la précédente chronique que j'avais faite sur vos textes, que j'avais dépiauté façon explication littéraire, vous avez ouvert de grands yeux en me disant « mais on s'est demandé si c'était pas du deuxième degré, mais c'était véridique ». Parce qu'en fait, vos chansons, elles reprennent des figures de style vraiment héritées de la grande rhétorique. Vous allez voir. Par exemple, vous aimez manier une figure qui s'appelle l'épanalepse. Alors j'ai l'air de vous apprendre, c'est certainement le cas. Ça veut dire que vous ouvrez et que vous terminez vos phrases par la même tournure. Je vous cite par exemple Raxis, vous écrivez « les maisons sont quelconques mais bien lisses, les maisons sont couvertes de goudron, mais si lisse. » Voilà, épanalepse. Vous avez également un penchant pour la prosopopée. C'est une figure du style qui consiste à personnifier un sentiment. Ça, on l'a fait exprès. Mais bien sûr, ça, donc, on savait. Notamment la tristesse. On savait pas que ça s'appelait une prosopopée. C'est un joli nom en plus. Prosopopée. C'est pas très joli. Et vous avez pris, alors le blizzard, ça c'est moins abstrait, mais vous avez pris la honte, la tristesse ou la mort. Tu nous entends, la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche, et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends, la mort, tu nous entends? Voilà, vous êtes assez raffiné parce que vous êtes aussi friand d'hypotypose. Ça aussi, j'aime beaucoup, mais l'hypotypose. Ah, le petit goulu! Le petit goulu! Galopin, vous aimez l'hypotypose. C'est-à-dire que vos chansons décrivent une scène qui est tellement réaliste en fait qu'elle devient vivante. On voit ça dans les romans, on voit ça. Et notamment, par exemple, dans Infirmière, vous décrivez un homme au bout du rouleau qui se fait aborder par un gros dur. Je me souviens, j'ai encore cette scène comme une scène de film dans la tête une fois qu'on a écouté votre chanson. Il y a une autre chanson qui s'appelle Loterie. Il y a un homme qui regarde par la fenêtre de sa chambre d'hôpital qui dit qu'il peut même voir presque le bâtiment des consultations. Ça reste comme une scène. Ah, mais c'est pas une chambre d'hôpital en fait. Bah, il dit quand même je regarde l'hôpital et je peux voir presque le. Non, mais c'est parce que. Il est chez lui et voit le. Ah, il est pas loin. Voilà. Ok, non, mais bon. Bah, voilà, donc, la scène qu'on a dans la tête, c'est quasiment une scène de cinéma ou une scène de roman. Et ce que j'aime beaucoup dans vos textes, c'est que vous, en fait, vous jouez avec la langue française tout le temps. C'est-à-dire que vous l'essorez, vous la tordez, vous l'embellissez parfois, mais à chaque fois, il en sort des images. Et vous poussez cette logique très loin parce que des fois, vous allez même jusqu'à supprimer le verbe. Gaz, Kaoun, Balia, Chien de pluie, Sarajevo, Lafayette, Carton Plume, Papier Bib, Papier Cigarette, Coupole Nasty, Torontule, Latches, Parboyen, Libellule. Voilà, cette mécanique de sonorité, en fait, c'est le son qui finit par faire sens. Et ça s'approche de l'hypnose. Et ça, c'était quoi? Mais c'était la grande passion des surréalistes. Les surréalistes, c'était l'écriture automatique, où ils partaient du principe que le vocabulaire dit comme ça libérait l'expression inconsciente de la pensée. Donc ça vous fait un point commun avec André Breton. Donc Goldman et Breton, il y a quand même pire comme pédigré. Alors, un fossé entre les deux. Pourquoi? Je sais pas, je les aurais pas mis dans la même phrase. Bah si, André Breton. Ah, et André Breton, oui, et Goldman, voilà, oui. Oui, mais ça, c'est parce que vous n'aimez pas Goldman. Alors, parfois, vous supprimez le verbe, mais c'est pour parler d'amour. Et là, moi, je pense à votre chanson qui s'appelle Révérence, qui est sans verbe, mais qui est pleine d'amour. Vous, mon flambeau, mon feu de Bengale, mon bouclier, mon tonnerre, mon ciel, ma foudre, mes ailes, mon pardon, mon cristal, mon métal précieux enfoui. Vous, mon pavois, mon grand pavois, mon étendard, ma bannière, mon blason, mon drapeau, mon zénith, mon torrent, mon déluge, ma steppe, ma plaine. Vous, mon empire, mon système, mon roi, ma reine, tout est à vous. Et maintenant, si je vous dis « Ma femme à la chevelure de feu de bois, ma femme au sexe de glaïeul, ma femme aux yeux de savane », on est dans le même registre et c'est encore André Breton avec son poème « L'union libre » et c'est la femme liée à la nature. Parce que lui, il parle de bois, de fleurs, de savane, comme je viens de vous le citer, et vous, vous parlez de steppe, de torrent, de plaine. Et c'est l'idée à chaque fois que le sentiment amoureux est lié à la nature. Et ça, on le doit à qui? On le doit au poète du Moyen-Âge, pour qui les yeux d'une reine sont un lac, les cheveux d'Iseut dans Tristan et Iseut sont des champs de blé et sa peau à la blancheur de la neige. Et quand vous dites... Et je sens le sommeil qui gagne du terrain. On ne doit pas trop tarder. Tout à l'heure, il faudra se lever aux aurores et partir. Et bien ça aussi, on le retrouve dans tous les poèmes du Moyen-Âge. C'est l'amant qui doit partir aux aurores, à l'aube. Je vous cite un poème anonyme du XIIe siècle. La dame tient près d'elle son ami. Le guetteur crie que le soleil se lève. Mon Dieu, comme l'aube vient tôt. C'est exactement du fauve avant l'heure. C'est du fauve au XIIe siècle. Donc si je récapitule... C'est du plagiat, oui. Ben, c'est du plagiat, voilà. C'est qui ce anonyme? Ça fait beaucoup, là. Vous êtes à la fois... Mais oui, mais vous êtes à la fois troubadour, un peu surréaliste, un peu styliste de la langue. En fait, vous êtes des écrivains. Oui, voilà. André Manoukian, bah, il faudra dire ça à mon prof de français. Vous au correcteur du bac français. Vous n'étiez pas bon en français. Moi j'ai eu 7 et 9 au bac français. Donc, ah bah voilà, j'ai 9 voilà, et 11. Vous... Eh bah, putain, Clara Dupont-Mono vous met un 20 sur 20. Ça, non, mais c'est clair. Super, c'est super, c'est très très flatteur dans le bon sens. Mais pour être honnête, on le dit aussi et on l'assume. On n'est pas, c'est marrant, la littérature c'est pas du tout. Vraiment pas. Pas énormément, comment dire, si important que ça pour nous. On n'est pas des gros lecteurs, on n'est pas... la poésie, c'est pas trop notre truc. Mais ça a dû l'être forcément quelque part. Quand vous regardez la chanson Révérence, c'est très beau quand vous dites mon torrent, mes océans, mes batailles perdues, mon qui-vive, mon branle-bas. C'est, tout ça, c'est très poétique en réalité. Non mais c'est marrant parce que c'est vraiment fortuit. Et on le prend pas du tout comme une critique négative, au contraire. Mais c'est vraiment fortuit parce qu'il y a dans Fauve, il y a cette recherche du mot juste pour parler ça, c'est surréaliste. De la littérature. Ouais, mais c'est vraiment venu par besoin. C'est pas venu par comment dire. Il y a pas de velléité esthétique, tu vois, ou littéraire. Non, c'est souvent là pour ça qui donne les meilleurs textes. Hein. C'est quand on essaye de faire beau qu'en général, c'est complètement planté. Mmh. Et c'est quand on veut pas spécialement faire beau et qu'on est au plus près de ce qu'on ressent. Bah là, que là, j'ai quelque chose de très beau. Ça serait cool, les petits trucs d'essai, là. Mais moi, je veux bien tes fiches pour mieux comprendre, du coup, ce qu'on a. Il y a une énorme part d'inné plutôt que. Enfin, il y a de l'acquis, évidemment, mais il y a une grosse part d'inné, donc. chez Fauve? Je sais pas, parce que dans quelle mesure la sensibilité, elle est pas acquise. Flaubert, il disait, de toute façon, un beau texte, c'est 99% de travail et 1% de talent. Mais ça, c'est vrai. On travaille énormément pour affiner, pour justement... Souvent, le texte de base, ça va être, je disais tout à l'heure, un truc assez dense où il faut en enlever, et puis c'est pas structuré. Et puis, on va essayer, parce que vu que notre but à nous, dans la partie musicale de Fauve, c'est de faire des chansons, c'est pas de faire des poèmes ou des textes qui peuvent tenir en tant que tels, ça nous intéresse pas vraiment. On a besoin de la musique, les deux vont vraiment ensemble. On va essayer de rendre le texte plus musical, c'est-à-dire lui donner une symétrie, lui donner des récurrences, etc., pour avoir quelque chose qui colle bien avec une rythmique. Cela dit, il faut qu'apporte la musique. Retrouver le dictionnaire de rimes. Je ne sais pas qui l'a perdu des deux. ça rime pas. Non, ça rime jamais. Mais c'est aussi pour ça que la poésie, c'est pas trop notre truc finalement. On avait choisi un sujet 3 qu'on va traiter demain parce qu'on a préféré parler avec vous du versant littéraire de votre album Vieux Frères Partie 2. Vous inquiétez pas, on va traiter ce sujet 3 demain qui sera encore plus approfondi. Ça va être extraordinaire. Ils étaient deux. Il fallait la citer. Mais oui, effectivement, c'était un plaisir. Et justement, on va terminer quand même avec une petite revue de presse pour vous remettre bien au fait de l'actualité. Fauve, c'est reparti. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mettez? Again, the no. Et on fait bien de faire cette autre revue de presse parce qu'il y a encore un chanteur soupçonné de pédophilie. Mais oui, il était une fois un chanteur qui s'est fait attraper sur internet car il discutait avec une fille de 12 ans. Et c'est le chanteur d'Il était une fois qui échangeait depuis 2 mois avec Lisa. Sauf que Lisa, c'était un policier sous pseudo. Donc Richard DeWitt, le chanteur, a été condamné pour propos déplacés et vulgaires à connotation sexuelle. 1 mois de prison ferme, 17 mois avec sursis. Et nous avons mis la main sur un autre échange du chanteur d'Il était une fois avec une autre. J'ai encore rêvé d'elle. Ouais, mais t'es qui toi pour rêver de moi? C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Moi je suis Charline et j'ai 12 ans. Elle n'est pas vraiment belle. Ah bah ouais, mais ça c'est à cause de l'acné. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Bah non, je suis pas faite pour toi, je suis faite pour Matt Pokora. Tout en douceur. Oh là, tu vas te calmer, gros dégueulasse. Juste. Ton cœur, après tu vas sortir ton zizi. Si je pouvais me réveiller. Ah non, surtout pas hein. Et puis d'abord, moi j'ai calé une place. Mais arrête de hurler, c'est insupportable. Bah t'as aucune chance avec tes 68 ans. Va draguer ma maman ou ma mamie. Une nuit, juste pour elle et moi. Bah, la nuit, tu sais où tu vas la passer si tu continues. Demain, hein. Matin, oh non. Elle s'en ira. Ouais, mais moi, j'aurais pas de menottes. Et ainsi s'achève, avec une chanson pédophile, si tu écoutes, j'annule tout. C'est l'actualité, aujourd'hui, mademoiselle. Sur France Inter. Merci, Fauve, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle, Vieux Frères, partie 2, à écouter et à lire pour étudier vos figures de style au lycée, je vous le conseille. Ça va arriver, je rappelle qu'il reste des places pour le Zénith de Paris, encore disponible le 26 mai, ou alors le 26 mars à Rennes, on ne sait jamais, ou le 2 avril à Lyon, si vous êtes persévérant. Et voilà. Allez, je vous laisse avec Nicolas Sarkozy qui s'inspire d'Hollywood pour sa stratégie. J'ai réfléchi beaucoup plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer.